Le marché IGA, Denis Cloutier a décidé de fêter en grand la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix de Normandin avec des spéciaux imbattables. Cuisse de poulet à 99 cents de la livre. La crème glacée de plusieurs marques comme Kit Kat, Rolo et autres à seulement 97 cents. La pizza surgelée Mike's à 5,98 $. Le marché Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril à Normandin. Monsieur Denis Cloutier et tout le personnel souhaite la meilleure des chances aux organisateurs de la classique Jeannie Larouche Family Prix et invite toute la population à participer aux activités. On va parler de la Coupe Rogers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, évidemment, avec Wimbledon et Roland-Garros. On l'avait passé tout droit. Quoi qu'il en soit, on va parler avec notre spécialiste de tennis, Caroline Delisle. Salut, Caroline. Oui, bonjour. Caroline, Coupe Rogers, jusqu'à maintenant, il ne reste plus de Québécois, de Canadiens, ni chez les hommes, ni chez les filles. Ben, il reste Julie Bouchard avec Sloane Stephens du côté des en double. Qu'est-ce que tu retiens jusqu'à maintenant? Est-ce que tu retiens quand même... je pense que... De tout ce qu'on regarde jusqu'à maintenant, c'est encore Félix Auger-Aliassime et sa progression, moi, que je retiens, puis Shapovalov, là, qui sera en troisième ronde. Oui, c'est certain. On a vu quand même des belles choses aussi là, du côté de Françoise Abanda. Ouais. C'est sûr qu'on aurait espéré que Eugénie fasse peut-être un meilleur match là, lors de sa dernière défaite, mais puis chez les hommes, ben, évidemment, Raonic, pas tellement connu un bon match, là, quand c'est perdu avant-hier, mais écoutez, c'est ça, ça joue sur le terrain, mais oui, l'ascension de nos jeunes joueurs, hein, je pense que ça, on peut se réjouir de ça, puis c'est certain que Félix Auger-Aliassime aurait pu remporter son match, il menait 4-1 dans le égalité du troisième set, fait qu'il était tout près de battre quand même un joueur classé dans les 60 meilleurs au monde, qui a été classé 40e il n'y a pas si longtemps. Fait que je pense qu'il appartient vraiment à ce groupe de joueurs-là, mais il faut quand même lui donner du temps, il vient juste d'avoir 18 ans, puis c'est les gens, des fois, on est... on espère hein, qu'il réussisse justement à battre ces genres de joueurs-là, mais il est tout jeune. Hein. Ben oui. Il a beaucoup de choses à apprendre, puis il faut pas être trop exigeant, là, parce que puis on a tendance à l'être des fois. Hein. Fait, il faut quand même voir clair, là, puis se dire, ben écoutez, il avait 17 ans il y a quelques jours, il vient juste d'avoir 18 ans, faut quand même voir un beau potentiel, puis il fait tellement de belles choses sur le terrain, c'est très positif. Ben, ça va prendre un certain temps, je pense, avant qu'il prenne son envoi, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même très, très positif. À son âge, c'est de prendre de l'expérience. Puis je pense qu'il va encore monter au classement, j'imagine, de l'ATP qui va avoir lieu lundi. Ça, il va faire un bond quand même assez important. Hein? Oui, ben là, il est 134e, je crois. Fait que c'est certain qu'il va monter. Puis Tennis Canada, ils l'ont dit hein, clairement. Ils veulent vraiment pas là, sauter d'étape. Dans son cas, ils lui laissent du temps. D'ailleurs, il a joué plein de tournois, là, des challengers sur la terre battue, tout ça pour justement continuer à améliorer là, certaines facettes de son jeu, puis améliorer aussi son classement. Fait que je pense que c'est une sage décision parce qu'on sait qu'il y a le potentiel justement pour jouer déjà contre des grands joueurs là, classés dans les meilleurs au monde, 30e, 40e, 50e, il n'y a pas de problème, je pense, avec ça. Mais écoutez, faut quand même faire confiance là, justement à son équipe, ses entraîneurs. Je pense que tout le clan Tennis Canada est là justement pour bien l'encadrer et puis prendre des bonnes décisions. Fait que je pense que c'est... écoutez, il était encore d'âge junior il n'y a pas si longtemps, là, donc fait que c'est ça, là, tu sais, faut c'est quand même des hommes, hein, il joue contre des joueurs des fois qui sont plus vieux que lui, peut-être un peu plus costaud, malgré que lui, en tout cas, il a l'air à bien se développer côté physique, là, il est quand même assez grand puis assez costaud. S'il peut juste, là, justement, éviter les blessures, je pense que ça, c'est ça serait très important dans son cas, mais je suis persuadé, là, que... Il est très, très bien entouré là, à tous les niveaux. OK. Donc, du côté maintenant de Shapovalov, ben lui, il va perdre quelques points parce qu'évidemment, il s'est rendu moins loin que l'année passée. La manière que ça fonctionne, c'est que l'ATP, c'est que ils ont des points à défendre du classement du tournoi de précédemment, donc de l'année passée. Mais ce ne sera pas dramatique pour lui. Hein. Non, c'est sûr. Il a quand même atteint le troisième tour. Bon, c'est sûr que l'année dernière, il avait atteint les demi-finales. Écoutez, c'était un tournoi de rêve pour lui. Bon, est-ce qu'on aurait pu en demander autant cette année? Ça aurait peut-être pu être possible, mais tu sais, il y a tellement de bons joueurs. C'est pas évident. Puis bon, je pense qu'il va avoir la chance de se reprendre. Faut dire que depuis quelques temps, quelques semaines, il avait un petit peu perdu ses repères. Hein. Il jouait un petit peu moins bien. Tout ça, je pense que le fait que son entraîneur, Martin Laurendeau, est à l'écart là, justement des terrains de tennis en raison d'une grosse blessure au dos, ça fait que ça, je pense, ça a affecté un petit peu là, son rendement. parce qu'il y avait une très belle complicité avec Martin Laurendeau. Puis, justement, il l'a quand même amené là, à atteindre le 26e rang mondial. C'est fabuleux, là, parce qu'il a quand même seulement 19 ans. Fait qu'on va espérer, en tout cas, là, qu'il va continuer, puis qu'il va continuer à s'améliorer, à progresser. Lui aussi est tout jeune. Hein, fait qu'il faut pas non plus penser... c'est un peu comme Eugénie, hein, quand tu as eu une année de rêve, tout de suite après sa carrière junior. Bon, après ça, malheureusement, on sait qu'est-ce qui est arrivé là dans son cas. Mais Chapovalov, on espère qu'il continue justement là à progresser, puis éviter les blessures, puis continuer d'être excitant, parce que quand on le regarde jouer, ben tout le monde trouve qu'il y a une belle énergie, puis il y a vraiment des bons coups, donc c'est toujours très intéressant là, de le voir à l'heure. OK. Si on parlait de Génie qui est en double et qui atteint les quarts de finale, ça c'est bon pour elle, pareil. Ça va lui. Même si c'est pas payant le double, il reste une chose, c'est que ça va lui faire jouer des matchs de tennis. C'est pour ça qu'elle est allée, elle, là. Oui, ben c'est certain. Et puis le double, tu sais, faut pas négliger ça non plus. Hein. C'est les gens connaissent moins ça parce qu'on en voit moins à la télé et tout. Mais c'est très très excitant à voir. Puis je pense qu'elle s'amuse en double. On s'amuse peut-être un petit peu plus en double qu'en simple, dans le sens qu'on joue en équipe. Mm. Puis au tennis, ben c'est ça. Si on fait que du simple, ben on est toujours tout seul sur le terrain. Quand ça se met à moins bien aller, c'est pas long que la confiance suit pas. Fait que je pense que ça peut. Puis tu sais, surtout qu'elle joue pas non plus avec. Tu sais, elle joue quand même avec la troisième joueuse mondiale là en simple. Fait qu'ils font quand même une bonne équipe. Eugénie se défend très bien en double aussi. Et puis, on a l'air à s'amuser. Puis, je pense que ça va lui donner confiance parce que c'est sûr que le double peut vraiment aider aussi notre rendement en simple, là, dans le terme de justement là, continuer à travailler certains aspects de son jeu, là, le service. Tout ça, là, on peut voir aussi qu'elle s'est renforcée physiquement. Mm. Elle le dit, hein, là, parce que c'est une joueuse qui s'entraîne très, très fort. Hein. Ils disent tout le temps, même les dirigeants de Tennis Canada, là, tu sais, parce que les gens pensent que parce qu'elle a des régulés au classement, que peut-être qu'elle est pas assez sérieuse, elle est trop sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas long, là. Je peux vous dire qu'elle travaille très, très fort, puis ils ont dit que c'était une des joueuses sur le circuit qui s'entraînait le plus fort. Puis moi, je le crois, là, parce que je l'ai déjà vu s'entraîner. Ça veut dire que, bon, tu sais, il faut quand même pas lui lancer la pièce trop vite non plus. Est-ce que le fait que t'es dans la vie, des fois, tu veux tellement... Il y a des affaires, des fois, tu veux tellement t'en sortir, là, que tu deviens... que tu comprends ce que je veux dire? Que tu deviens comme... tu veux tellement que ça marche pas. Est-ce que c'est ça qui peut arriver dans son cas? Ben, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas une si grosse différence quand on regarde, tu sais, son jeu avec une joueuse 30e ou 40e, mais tu sais, c'est de remonter, hein. Je pense que c'est beaucoup la confiance, puis comme on dit, c'est ça, c'est pas qu'elle veut pas, elle veut tellement que des fois, ben, elle essaie de trouver des solutions, mais quand t'es dans le feu de l'action, là, des fois, les solutions, c'est pas toujours facile, là, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, elle va bien servir, d'autres fois, elle va moins bien servir. Des fois, il y a un coup, tu sais, dès qu'il y a un coup qui marche moins, ça affecte des fois le reste du jeu et tout, puis, tu sais, des fois, ça peut être justement le fait qu'elle veut tellement que ça marche pas tout à fait comme elle veut, là, tu sais, ça prend pas grand-chose, puis... c'est pas la seule athlète comme ça, hein. Il y en a d'autres, on le voit des fois au hockey, ils ont des léthargies qui appellent, là, tu sais, là, quelqu'un qui est supposé de remplir le filet, puis que tout d'un coup, il est plus capable. Ben écoutez, ça joue dans le mental aussi, puis c'est certain que, bon, elle sait que les gens, ils veulent qu'elle gagne, puis qu'elle continue, puis tout ça, puis l'encouragement, mais, tu sais, c'est ça, des fois, ça tourne pas toujours en notre faveur, puis... je pense que ça continue à travailler fort, puis là, elle a un nouvel entraîneur, je crois, là, donc ils se sont fixés des nouveaux objectifs, travailler certains aspects de son jeu aussi, puis on va voir qu'est-ce que ça va dire. Là, elle est encore jeune, elle a encore des chances là, de remonter, puis mais c'est sûr c'est pas facile. Hein. Ça allait quand même bien, ses affaires, mais là, des fois, c'est les blessures. Elle a été blessée à Allen, elle a dû déclarer forfait, elle est rendue bon, en demi-finale, d'un tournoi. Ensuite, bon, il y a toujours quelque chose, on dirait, qui fait que ça ralentit un petit peu son ascension là, vers bon, un meilleur classement et tout. OK. Caroline, bon, pour le reste du tournoi, qu'est-ce qu'on s'attend? Du côté des hommes, Nadal est toujours là, Zverev est toujours là également, Anderson, Dimitrov, du côté des hommes, ouais, ça... il y a Djokovic qui a perdu hier. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, des surprises, il va toujours en avoir. Hein. Je pense qu'on peut voir quand même qu'il y a de très bons joueurs. Puis, c'est sûr que, bon, avec Nadal, Zverev, tout ça, bon, on se trompe pas tellement, là, je pense, pour se rendre jusqu'au bout. Mais Ça joue sur le terrain, puis c'est ça. Les meilleurs joueurs sont là aussi pour se faire battre hein, à l'occasion. Puis c'est ce qu'on espère aussi à un moment donné que les jeunes vont de plus en plus prendre la relève parce que c'est souvent les mêmes, je dirais pas les mêmes vieux qui sont là, mais presque là. Donc les mêmes joueurs, on est souvent habitué de les voir dans le carré d'or, c'est tout. Mais moi, je pense qu'on peut avoir des surprises. Écoutez, je regardais encore là, des fois il y a des joueurs qu'on s'attend pas de voir puis qui peuvent causer des surprises ou faire des très belles performances. Fait qu'on va voir la suite là. C'est certain que Zverev avait gagné l'année dernière. Ça fait que lui, il peut sûrement répéter l'exploit parce qu'il y a des points à défendre. Mais on verra là, qu'est-ce que les prochains jours vont nous réserver. Hein. OK, Caroline, on s'en reparle lundi? Oui, pas de problème. Pour la conclusion de la Coupe Rogers, on voit là, c'était Caroline Delisle qui nous parlait de la Coupe Rogers.